13h21 sur France Inter, il est temps de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Il s'agit sans doute de l'histoire la plus rocambolesque que M. X m'ait jamais racontée. Et je suis sûr qu'il a pris du plaisir à me la conter tant elle paraît échevelée et pour tout dire incroyable. On y croise un faux prince du sang, des députés véreux, quelques collabos, un caissier indélicat, un juge d'instruction dément, un truand corse, un percepteur trop curieux, des inspecteurs de police dévoyés, un gendarme pittoresque et pas mal de second rôle, tous plus ou moins originaux. Oui, une étonnante galerie de portraits. Mais derrière cette histoire extraordinaire, il y a aussi des ombres inquiétantes et des assassins. Car cette affaire, selon M. X, dissimule en réalité une entreprise qui, elle, n'a rien de folklorique. Cette affaire est restée dans l'histoire sous le nom du scandale des bons d'Arras. Mais, je vous l'ai dit, ce scandale n'est que la partie immergée de l'iceberg. Il n'est pas inutile non plus de la replacer dans son contexte historique. La fin des années 40 et le début des années 50 sont en effet une époque charnière. La France se reconstruit. Elle va bientôt connaître une croissance ininterrompue et basculer dans la modernité. Les deux forces politiques les plus importantes, issues de la guerre, les gaullistes et les communistes, ont été éliminées du pouvoir mais pèsent de tout leur poids sur un régime promis à l'instabilité ministérielle. Dans un contexte de guerre froide et de conflits coloniaux, les luttes sont impitoyables, féroces. Drames, intrigues, complots ne cessent de se succéder, éclaboussant la République et ses dignitaires. C'est l'époque du scandale des vins et de l'affaire des généraux que M. X a évoqué ici même, une affaire ourdie au sein des services secrets et qui visait à semer le trouble dans l'armée et à déconsidérer le personnel politique de la 4e République. Certains officiers, on le sait, s'en souviendront quand viendra mai 58. Dans un instant, le récit de Monsieur X. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Pour commencer, je voudrais vous parler d'un étrange personnage. Un prince, enfin un drôle de prince. Qui ? Richard d'Orléans-Bragance. Joli nom, hein ? Et faux patronyme. Je vais vous expliquer. Dans les années qui suivent la Libération, ce personnage, jeune et séduisant, s'agite beaucoup. Prétendant au trône de France, il entend restaurer la monarchie. Il mène grand train et reçoit dans son bel hôtel particulier de Saint-Honoré-des-Laux et du beau monde. C'est-à-dire ? Des parlementaires, des hommes d'affaires, des hauts fonctionnaires. Toute une nébuleuse de gens qui veulent se débarrasser de la République. Ah ben, ce sont des comploteurs. Oui. Et Richard d'Orléans-Bragance, qui professe un anticommunisme virulent, réussit même à regrouper autour de lui des députés gaullistes. C'est habile, ça. Oui, oui, mais dans cette nébuleuse dont je vous parlais, il y a aussi des personnages beaucoup moins recommandables. Par exemple ? Des truands. Parce que Richard d'Orléans-Bragance se moque bien de la politique. Ce qu'il veut, c'est faire des affaires, gagner le plus possible, en enrôlant tous ses naïfs, et bien sûr, en leur soutirant de l'argent pour aider la cause. Mmh. Une parenthèse, comment vous êtes-vous intéressé à ce curieux garçon, hein ? L'époque était bizarre. Dans les services aussi, on complotait à tout va. Ah oui, on complotait, expliquez. L'obsession, c'était le communisme. Beaucoup de nos chefs étaient persuadés que tôt ou tard, l'URSS nous envahirait. Il fallait donc se préparer, organiser dans le plus grand secret des réseaux dormants, capables de résister si les soviétiques venaient à nous occuper. Oui, ça c'est l'histoire des réseaux gladiaux, hein. On en a déjà parlé. Oui, une organisation puissamment soutenue et encouragée par les Américains. En France, l'opération s'appelait Rose des Vents. Et je peux vous dire qu'elle a mobilisé des milliers d'hommes à travers la France. L'un de ses responsables pour la région lyonnaise s'appelait François de Grossouvre. Ça vous dit quelque chose ? Ah oui, le conseiller et ami du président Mitterrand. Oui, lui-même. Mais passons. Suicidé. Et revenons à Richard d'Orléans-Bragance. Nous avions donc l'œil sur toutes les mouvances anticommunistes. Et le prince en faisait partie. Mais vous vouliez le recruter ? Pas lui, non. Mais éventuellement ceux qui tournaient autour de lui et qui étaient éblouis par son luxe, son titre et sa particule. C'est ainsi que nous avons découvert qui était en réalité Richard d'Orléans-Bragance. Ah ben, je vous écoute là. Orléans-Bragance s'appelait Antonini ou Antonetti, je ne sais plus, et c'était un ancien milicien qui s'était évadé du bagne de Saint-Martin-de-Ré. Revenu clandestinement à Paris, il avait bénéficié de hautes protections, et en particulier de celles de deux députés dont nous allons bientôt parler. Quelle carte de visite pour le prétendant au trône de France. C'était en effet assez comique, surtout quand on connaît le nombre de gens qui se sont fait prendre. Et démasqué qu'est devenu le faux Richard d'Orléans-Bragance. Pour qu'il usurpe un titre de prétendant, ça nous était complètement égal. Et ça nous permettait même d'avoir barre sur lui et de surveiller discrètement son entourage, où il y avait non seulement des hommes influents, mais aussi des truands de la plus belle eau. J'ajoute que dans les services, nous étions un certain nombre qui étions de vrais républicains et répugnions à nous mêler à toutes ces opérations anticommunistes douteuses. Douteuses, pourquoi ? Parce qu'à terme, elles constituaient une menace pour la démocratie. Et on le verra plus tard à l'occasion de l'affaire des fuites, par exemple. Ou bien encore dans les complots qui ont précédé l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. D'accord, donc au fond, ce Richard d'Orléans-Bragance, ça vous était utile ? Exact. Mais à peu près à l'époque où nous avons découvert sa véritable identité, il s'est produit un drame. Racontez. Fin janvier 49, un député proche de Richard d'Orléans-Bragance dîne dans un restaurant proche de l'Étoile. Qui est ce député là ? Étienne de Rollin de Guetteville. Encore une particule. Et ce n'est pas la dernière vraie ou fausse que nous allons rencontrer dans cette histoire. Donc Rollin, qui depuis la Résistance se fait appeler Rollin Laboureur, dîne avec ses enfants, sa secrétaire Rose, un homme d'affaires marseillais et un certain Joe Renucci. Renucci, c'est le truand corse, l'ami de Lucky Luciano ? Oui. Et qu'avaient fait ensemble Renucci et Rollin Laboureur ? Ils s'étaient connus au RPF. Parti gaulliste, donc. Oui, dont Renucci était un agent électoral particulièrement actif. Bon, n'insistons pas. Vers 22h, le député prend congé de ses convives et avec sa famille et sa secrétaire, il quitte le restaurant. Sa voiture est garée juste en face. Rollin Laboureur se met au volant, Rose, sa secrétaire, s'assied à ses côtés. Et soudain, des rafales d'armes crépitent. Contre la voiture du député ? Oui. La secrétaire est mortellement touchée. Rollin Laboureur, lui, est seulement blessé à la jambe et les deux tueurs s'enfuient. Et c'est le député qui était visé ? Non. Sa secrétaire, alors ? Non plus. Je comprends pas. En fait, c'était Renucci qui était la vraie cible. Mais il n'était pas dans l'auto. Vous avez raison. Mais Renucci était très petit. Et dans l'obscurité, les assassins ont pu confondre sa silhouette avec celle de Rose, la secrétaire. Et selon vous, alors, pour quelle raison voulait-on abattre Renucci ? Bon, il y a toujours mille raisons de vouloir liquider un truand corse. Oui, c'est vrai. Des rivaux ? Bien entendu. On prétendra d'ailleurs que les tueurs étaient des hommes du clan Salicetti. Salicetti qui finira par tomber lui aussi sous les balles d'autres truands. Abattu par les hommes de main de Renucci ? Vraisemblablement, mais c'est la loi du genre, si je puis dire. Toutefois, ce n'est pas ce qui compte. Si on a voulu liquider Renucci, c'est qu'il était mêlé à une formidable magouille politico-mafieuse. Et que d'autres truands voulaient aussi leur part du gâteau. Mais on va y venir plus tard. Laissez-moi simplement vous dire que cette malheureuse affaire où une jeune fille a trouvé la mort a fait l'effet d'un coup de pied dans la fourmilière. Comment ? Rollin, laboureur, s'est rendu compte qu'il était dangereux de fréquenter des gens aussi redoutables. Il a réclamé avec véhémence la protection de la police. Et il a menacé de mettre tout le monde dans le bain si on n'accédait pas aussitôt à sa demande. Qu'est-ce que ça signifie, là, ces menaces ? Il avait une trouille bleue. Oui, mais cet avertissement, là, je vais mettre tout le monde dans le bain. Je vous ai parlé d'une magouille politico-financière. D'accord, mais sans m'en dire plus. Tu peux de patience. Et revenons une dernière fois à Richard d'Orléans-Bragance, car lui aussi, forcément, il est dans le coup. Et le député Rollin Laboureur le désigne clairement. Il porte plainte contre lui en l'appelant par son vrai nom. Antonetti, c'est ça ? Oui. Ce qui montre, entre parenthèses, que Rollin Laboureur n'était nullement dupe. Il savait parfaitement que le soi-disant prince était un escroc. Mais attendez, le plus beau est à venir. Et on va retrouver le fameux Joe Renucci et, curieusement, un très bon ami de Rollin Laboureur, un député, lui aussi. Le scandale, alors, ne pourra pas être évité. Joe Renucci est mort d'un cancer en 1958. Jusqu'à cette date, ce parrain du milieu a été mêlé à presque toutes les grandes affaires du banditisme en prenant bien soin d'échapper à la fois à la police et à ses nombreux ennemis. Homme d'affaires, importateur d'agrumes, propriétaire de bars et même éditeur de musique, Renucci a toujours habilement dissimulé ses réelles activités et surtout ses relations avec Lucky Luciano, le grand Manitou du trafic de drogue dans les années 50. Avant-guerre, Renucci n'est qu'un petit malfrat marseillais parmi d'autres. En 1943, il adhère au PPF de Doriot. Marseille est alors sous la coupe des sinistres carbone et spiritaux. Mais Renucci sent que le vent tourne, il change de camp. Et en 1944, accusé d'héberger des personnes recherchées, il est arrêté par la Gestapo. Il reste très peu de temps en prison. Mais ça lui suffit pour bénéficier d'une auréole de résistant. Après la guerre, son influence dans la pègre grandit. Il a quelques ennuis avec la police, mais son adhésion au RPF lui vaut l'indulgence de la justice. Désormais, Renucci, comme l'a dit M. X, est un agent électoral du mouvement gaulliste. En août 1949, donc 6 mois après la fusillade qui a coûté la vie à la secrétaire du député Rollin Laboureur, on enterre un juge de paix du milieu. Soudain, une traction remonte le cortège des limousines qui suivent le corbillard. À la hauteur du véhicule qui transporte l'ennemi de Renucci, Salicetti, les occupants de la traction ouvrent le feu. 2 gardes du corps s'écroulent, mais Salicetti est indemne. Des indicateurs accusent Renucci. C'est lui qui conduisait la traction. Le gangster se présente de lui-même à la police. Emprisonné, il bénéficie bientôt d'un non-lieu. Mais un an plus tard, Salicetti est victime d'un nouvel attentat et cette fois, il n'en réchappera pas. Entre-temps, on retrouve Renucci mêlé à la célèbre affaire des Bonds d'Arras. Il me faut tout d'abord vous parler de ce deuxième député, l'ami de Rollin Laboureur. Un député gaulliste, lui aussi ? Oui, un personnage assez flamboyant qui s'appelle Antoine Chalvet. Saint-Cyrien, il combat courageusement en 1940 et il est grièvement blessé puisqu'on doit l'amputer du bras droit. Décidé à ne pas renoncer à la lutte contre les Allemands, il passe en Espagne où il fait la connaissance des prisons de Franco. Puis il réussit à gagner Alger. Aide de camp du général Giraud, puis de Leclerc, il se fait parachuter en France où il rejoint le maquis. Un homme courageux donc. Hein. Incontestablement, et un type qui a de l'allure. Il est grand, mince, il porte beau. Et après la libération ? Il fait un bref passage dans les services. Tiens donc, vous l'avez connu là, alors ? Vous savez, à l'époque, on a beaucoup recruté, je crois vous l'avoir dit, et souvent à tort et à travers. Mais c'est une autre question. En tout cas, oui, je l'ai croisé, c'est tout. Et il ne fait aucun doute qu'à l'occasion de ce bref passage, il a rencontré un certain nombre de gens intéressants. Des gens intéressants pour lui, je veux dire. Et après les services de renseignement, qu'est-ce qu'il fait ? Très vite, Chalvet est chatouillé par le démon de la politique. Il se fait désormais appeler Antoine Bonny Chalvet de Récy. Ah ça fait effectivement beaucoup, n'est-ce pas ? Ouais. Une première fois, candidat à je ne sais quelle fonction élective, il échoue. Mais il finit par se faire triomphalement élire député d'Arras. Un successeur de Robespierre, en somme. Mais Récy, lui, je vous l'assure, n'a rien d'un incorruptible. Il mène grande vie, il est domicile dans un château près d'Arras, s'entoure de jolies femmes, enfin bref, il flambe. Et l'argent, d'où vient-il ? Ah, ça, c'est la grande question, la clé de cette sombre affaire. Ah, soyez plus précis. Récy a besoin d'argent, de toujours plus d'argent. C'est donc un personnage attractif. Attractif pour qui ? Attractif pour tous ceux qui veulent, par exemple, se prévaloir de son influence et de son entregent. Dans des gens qui veulent l'acheter. C'est pas aussi simple, non, mais... Encore une fois, vous allez un petit peu trop vite. Mais vous voulez absolument ménager vos effets. Alors, on n'allait quand même pas m'accuser de cabotinage, non ? Non, mais... Enfin, allez, poursuivez. Volontiers. Apprenez d'abord que le député Récy est entouré par des types très curieux, pour ne pas dire louches. Il y a par exemple un certain Dordain. Rassurez-vous, il n'a aucun rapport avec Roland Dordain. Voilà, je respire. Ce Dordain exerce l'honorable profession de commerçant à Arras. Et c'est l'homme lige de Récy. On a dit même que c'est lui qui l'a poussé à se présenter à la députation. Il a lui-même été délégué à l'Assemblée consultative. Pourquoi ne s'est-il pas présenté à la députation au lieu d'y encourager Récy ? À cause de son passé. Ah. Dordain a été résistant, mais en septembre 43, il est arrêté par la Gestapo. Aussitôt après, de nombreux membres de son réseau tombent. Il les a donnés ? On n'est pas la preuve, mais écoutez la suite. Quelques semaines avant la libération, Dordain s'évade. Comment ? Il accompagne des agents de la Gestapo dans une maison où se trouverait un dépôt d'armes. En fait, il a choisi cette maison parce qu'elle comporte une issue secrète. Et une fois à l'intérieur, il faut se compagner aux Allemands. Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Tout à fait d'accord. En tout cas, il reprend contact avec la résistance et quand vient la libération, il tue une femme. Une ancienne maîtresse qui l'aurait dénoncée. Justice expéditive. C'est le moins qu'on puisse dire. Et certains diront qu'en réalité, s'il a abattu cette femme, c'est qu'il avait peur qu'elle ne révèle qu'il avait travaillé pour la Gestapo. Il n'a pas été inquiété ? Sur le moment, non. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Mais... Oui, il y avait quand même un meurtre. Ouais, effectivement. Enfin, en 1946, quand même, Dordain est convoqué devant un jury d'honneur. Son éventuelle trahison n'est pas prouvée, mais les membres de ce jury lui infligent un blâme et émettent le vœu qu'aucune distinction honorifique ne lui soit accordée. C'est une certaine façon de reconnaître sa culpabilité. Ça me semble clair. Et les autres hommes là, de l'entourage de Récy ? Il y a un nommé Alex Ciorato, un ancien gangster qui lui sert de chauffeur et de garde du corps. Et aussi un homme d'affaires pas très net et sans grand scrupule. Sans oublier Renucci, qui est un habitué du château de Récy. Il y a enfin un certain Dupuis, caissier du Trésor à Arras et militant du RPF. L'homme qui va être à l'origine du scandale. Le scandale des bons. Oui, des bons du Trésor, j'ajoute. Mais ça ne vous étonnera pas que le caissier est lui-même un personnage douteux. À la Libération, il aurait effectué à titre personnel des perquisitions chez de présumés collabos. Eh, rien que du beau monde autour du député Récy, hein. Vous avez raison. Plus tard, lors de son procès, Récy dira avec hauteur « J'ai dû souvent dîner chez des gens que je n'aurais jamais reçus à ma table. » Mensonge, ces gens que j'ai cités ont bel et bien été invités au château et n'ont pas mangé à l'office. Mmh. Mais venons-en au scandale proprement dit. Récy tire toujours le diable par la queue. Enfin, c'est ce qu'il dit. Un jour de 1949, il demande à son ami Dupuis de l'aider, car il doit régler incessamment d'importantes dettes. Le caissier n'hésite pas, bon camarade, il ouvre le coffre-fort de la trésorerie et s'empare de 100 bons du trésor. Pour les remettre aux députés. 30 sont effectivement donnés à Récy, et les 70 autres sont confiés à Dordain, qui les cache chez sa maîtresse, une danseuse parisienne. Et ces 100 bons, là, ça représente quelle somme 100 millions de l'époque. Je pense qu'en divisant à peu près par 10, vous aurez une idée de la valeur de ces bons aujourd'hui. Ouais, donc 10 millions de francs 99. Hein. Exactement, et 1 500 000 euros. Bravo, je vois que vous êtes à la page. Mais pourquoi ce partage entre Récy et Dordain? Je n'ai pas de certitude, mais j'ai ma petite idée. Les 70 millions remis à Dordain étaient destinés à une autre caisse. Mais je vous expliquerai. En attendant, je poursuis. Récy est donc en mesure de régler ses créanciers. Mais son train de vie est tel qu'il est bientôt à nouveau aux abois. Et là, il va commettre une erreur fatale. Quelle erreur ? Il sait parfaitement que Dordain a caché 70 millions chez sa maîtresse. Alors il décide purement et simplement de cambrioler le domicile de celle-ci à Paris. Député cambrioleur. Oui. Il confie la besogne à son homme à tout faire, Alex Chiorato, tandis que lui-même fait le guet dans l'escalier de l'immeuble. Et les deux hommes s'emparent du magot. Oui. Mais comment Dordain réagit lorsqu'il apprend le vol ? Très très mal. Et à mon avis, ce n'est pas tout à fait un hasard si quelques jours après le cambriolage, Chiorato se fait arrêter par la police, alors même qu'il est en train d'échanger quelques-uns des bons du Trésor dans une banque parisienne. Vous voulez dire que c'est Dordain qui l'a dénoncé ? À peu près certainement. Dordain qui ne se doutait pas alors des conséquences qu'allait avoir cette arrestation. Et d'abord pour lui-même, parce que Chiorato va se mettre à table. Grâce au numéro des bons du Trésor, on va remonter jusqu'au caissier Dupuis. Et naturellement, Récy et Dordain vont être mis en cause. Oui, et dans l'ombre, pour tenter d'étouffer l'affaire, on va utiliser les grands moyens. Dans la presse de l'époque et les quelques ouvrages qui évoquent l'affaire, je n'ai trouvé nulle allusion à une quelconque dénonciation du gangster Chiorato par Dordain. Il semble en effet, selon la version officielle en tout cas, que ce soit le patron du caissier Dupuis, M. Deschamps, qui ait découvert le poteau rose. Le 19 juillet 1949, plusieurs mois après le vol des bons à la trésorerie d'Arras, M. Deschamps procède à une vérification des coffres. Il constate alors que 100 bons ont disparu. Les numéros sont communiqués à toutes les banques et Alex Chiorato est arrêté 8 jours plus tard à Paris, alors qu'il est en train de négocier certains de ses bons. D'après le journal Le Figaro, Chiorato aurait alors déclaré aux policiers qu'il était persuadé que ces bons du Trésor provenaient de personnes qui voulaient les écouler sous le couvert de l'anonymat. C'est en tout cas ce que lui avait dit Monsieur de Récy. Le député prétendra, lui aussi, avant de changer plus tard de système de défense, que ces bons du Trésor appartenaient à de riches agriculteurs désireux de soutenir son action politique via le caissier Dupuis. Récy est très vite compromis. Et dès que l'Assemblée vote la levée de son immunité parlementaire, il est arrêté et incarcéré, comme son ami Dordain et comme Chiorato. Quant à Renucci, lui aussi est interpellé dès que les enquêteurs apprennent ses liens avec Récy et Dordain. Mais, comme d'habitude, rien ne pourra être prouvé contre lui, il sera libéré rapidement. Toutefois, il va montrer le bout de l'oreille. C'est-à-dire ? Il déclare au juge d'instruction que s'il a effectivement rencontré Dordain au château de Récy, c'était pour recevoir des fonds destiné à alimenter la caisse d'un parti politique. Le RPF ? Vraisemblablement. Ouais. Mais ces fonds, donc, c'était les 70 millions de bons du Trésor détenus par Dordain. Oui. Et pourquoi, selon vous, alors, Renucci a fait cette curieuse déclaration, hein ? C'était un avertissement. Un avertissement adressé à qui ? À ceux pour qui il travaillait, à qui il voulait dire « Tirez-moi vite de ce mauvais pas, sinon je parle ». C'est aussi ce qu'a dit l'autre député, là, Rolin Laboureur. Exactement, ouais. Et croyez-moi, il ne s'agit nullement d'une coïncidence, parce que, comme vous l'avez sans doute compris, tous ces gens-là avaient parti lié. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit, pour reprendre exactement votre propos, hein, que dans l'ombre, on employait les grands moyens pour étouffer l'affaire. Oui, à Arras. Il existe à l'époque un personnage curieux. Vous m'avez déjà dit ça des fréquentations de récits. Non, je vous ai parlé de curieux personnages. Là, je vous dis personnage curieux. Vous saisissez la nuance? Oui, bien sûr. Alors, votre curieux, qui est-ce? Un percepteur, Monsieur Vast. Un bon vivant, honorablement connu, un fonctionnaire très bien noté. Seulement, Monsieur Vast a un défaut. Il a une excellente mémoire et surtout, il connaît très bien son monde. Que voulez-vous dire? Un percepteur, c'est un peu comme un notaire ou un curé. Ça reçoit beaucoup de confidences. Et puis, pour qui sait lire les chiffres, il y a beaucoup à apprendre. Mais je vois pas où vous voulez en venir. Monsieur Vast, à force d'opiniâtreté, est arrivé à découvrir pas mal de secrets dans cette bonne ville d'Arras. Et il sait, en particulier, que Récy, Dordain et les autres se livrent à des pratiques condamnables. Sans compter que Monsieur Vast, en tant que percepteur, a naturellement ses entrées à la trésorerie. Alors, a-t-il voulu monnayer ces informations, ou plus simplement, a-t-il menacé de tout révéler à la police? Je ne sais pas. Mais le fait est qu'au beau milieu de l'été 1950, Monsieur Vast a été proprement trucidé. Trucidé? De quelle manière? Une balle de gros calibre dans la tête. Ça ressemble à une exécution par des truands. Ça y ressemble. Il faut ajouter que son appartement a été fouillé, dévasté même. Mais apparemment, rien n'a été volé. On retrouve même 50 000 francs dans la poche de son veston. Alors, quelle conclusion en tirez-vous? Le ou les tueurs cherchaient des papiers, pas des valeurs. D'accord. Et l'enquête va aboutir? En partie, oui. Grâce à un type singulier. Encore un? Oui. Dans cette affaire à tiroir, il fourmille. Alors celui-là, qui est-ce? Un gendarme, mais pas un gendarme comme les autres. Celui-là jouit d'une fortune rondelette et fait de la gendarmerie comme d'autres font du violon. Vous plaisantez? Pas du tout. Le gendarme Leblond est un artiste. Et quand il s'intéresse à un certain Demes, un ancien flic passé de l'autre côté de la barrière, révoqué pour indélicatesse et problème de collaboration, il le fait avec habileté. C'est-à-dire? Il l'invite à déjeuner chez lui et le régale. Mais ce que Demes ne sait pas, c'est que ce malin de Leblond a sonorisé les lieux, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a installé un magnétophone. Oui, dans ces années-là, c'est un véritable exploit, parce qu'il y a guère d'enregistreur de son à Arras et ses environs. Bon, alors il le fait parler? Évidemment. Ouais. Et l'ex-inspecteur Demes se met à table, au propre comme figuré. Et ce qu'il raconte est passionnant. Alors dites. Mis en confiance par notre subtil Pandore, Demes avoue sans peine qu'il est l'un des assassins du percepteur. Il a fait le coup avec l'un de ses amis, un cafetier, et un autre individu qui, lui, est toujours inspecteur de police, et justement chargé d'enquêter sur la mort du percepteur. C'est-à-dire l'assassin enquêtant sur lui-même. C'est ça, oui. Avouez que tout ça ne manque pas de pittoresque. Oui, mais l'essentiel, c'est le pourquoi, là. Alors, pour quelle raison ces trois hommes ont-ils tué le percepteur? C'est juste, mais voyez-vous, on ne le saura jamais. Mais votre gendarme... Leblond? Oui. Il n'y a pas demandé au cours de cet entretien enregistré? Oh, sans doute, si, mais il s'avérera en cours d'instruction que l'enregistrement, pourtant parfaitement réalisé, apparaîtra soudain inaudible. Trafiqué? Bien sûr. La bande, ou plutôt le fil, car je ne sais pas si on connaissait encore l'usage de la bande magnétique, a été volontairement sabotée. Mais il y a eu tellement d'anomalies dans ce dossier, des scellés brisés, des indices qui ont disparu, des inculpés qui ont bénéficié de tuyaux jusque dans leurs cellules. Bref, on a tout fait pour que la vérité ne voie jamais le jour. Mais on l'a vu aussi dans tellement d'autres affaires. Enfin, peu importe. Il y a quand même une information qu'on ne pouvait pas faire disparaître. C'est que les assassins du percepteur étaient tous en rapport avec Récy et son âme damnée, Dordain. Donc pour vous, il n'y a pas de doute, l'affaire des Bonds d'Arras et celle de l'assassinat du percepteur sont liées? Naturellement. Et après le percepteur, il va y avoir une autre victime. Encore un assassinat? Non, encore que... Expliquez-moi, alors. Le juge d'instruction chargé de l'enquête s'appelle M. Delattre. Et ce jeune magistrat qui instruit aussi le dossier des Bons du Trésor est bien décidé à aboutir, quelles que soient les choses trappes qu'on place devant lui, et même les menaces qu'il reçoit régulièrement à son cabinet et à son domicile. Or, ce juge est persuadé, tout comme moi, que le percepteur a été tué à cause de l'affaire des Bons du Trésor. Alors, que lui arrive-t-il à celui-là? Il devient opportunément fou. Fou? Vraiment fou? Écoutez, un soir, cet homme discret et travailleur enjambe la balustrade de sa fenêtre et commence à haranguer les passants. Que dit-il? Il hurle qu'on veut l'empêcher de faire son travail, que des pressions ne cessent de s'exercer sur lui, qu'on veut le condamner au silence parce qu'il est sur le point de déboucher sur une affaire d'importance où d'éminents personnages sont compromis et de promettre pour bientôt de sensationnels rebondissements. Et comment se termine cette sortie insolite? Comme elle devait se terminer, c'est-à-dire à l'hôpital psychiatrique. Un internement qui arrange beaucoup de monde. Oui, mais attendez là, ce juge d'instruction était-il réellement devenu fou? Fatigué, surmené, sans aucun doute. Mais fou, non. Alors, on a provoqué sa folie? Ça, j'en suis persuadé. Il y a des drogues pour cela. Vous n'exagérez quand même pas un peu, là? Pas du tout. Ce magistrat avait vu clair. Il fallait donc absolument le faire taire. Et quoi de mieux pour le mettre hors jeu que de le déconsidérer et le faire passer pour fou? Admettons, mais alors maintenant, répondez à la question, hein, pourquoi et puis surtout qui? Je vous ai donné une partie de la solution en vous livrant la confidence de Renucci. Le financement d'un parti politique? Naturellement. Un financement qui permettait à tous les intermédiaires de se servir au passage. Pourquoi un truand comme Renucci se serait-il intéressé au système sinon pour en tirer des profits? Peut-être, mais ce vol des bons du Trésor, pardonnez-moi, mais ça me paraît pas très malin parce qu'un jour ou l'autre, on se serait aperçu de leur disparition. Sans doute. Mais il n'y avait aucune raison de remonter jusqu'à Récy. Et s'il n'avait pas cambriolé le domicile de la maîtresse de son ami, il n'aurait sans doute jamais été pincé. Mais il n'y avait pas que les bons. Quoi encore? Récy et son ami Dordain avait mis au point un racket généralisé du département. C'est-à-dire? Récy monnayait systématiquement son influence et ses interventions. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples. Mais il y avait encore plus grave. Et ça explique l'apparition de Renucci dans l'affaire. Banditisme? Oui. La bande avait imaginé d'organiser des hold-up à grande échelle. Et des hold-up contre qui? Des fourgons de transport de fonds. Leur complice, Dupuis, le caissier de la trésorerie, était un homme particulièrement bien informé. Tout comme l'inspecteur de police, complice de l'assassinat du percepteur. Un percepteur qui avait sans doute refusé de marcher avec la bande et qui, je vous l'ai dit, en savait beaucoup trop. Sans compter qu'un autre trésorier d'Arras, un certain Duperron, a disparu peu avant ces événements. Décidément, ouais. Et comme par hasard, il connaissait tous les membres de la bande. Mais je suis persuadé que d'autres hommes étaient compromis. Mais ceux-là n'ont pas été démasqués parce qu'ils occupaient de hautes fonctions. Vous croyez donc que c'était pour le parti, pour le RPF, hein? Oui. Vous savez, il y avait beaucoup de gens honnêtes dans ce parti, des gaullistes convaincus, mais quelques aigrefins et d'anciens collabos y avaient aussi fait leur nid. Les dérapages étaient inévitables. Les complots, également. On en reparlera un jour, si vous le voulez. Antoine de Récy, qui avouera au cours de son procès sa responsabilité dans le vol des bons du trésor et chargera ses complices, sera condamné à 10 ans de travaux forcés. Mais, en 1955, il bénéficiera d'une discrète libération conditionnelle. Et l'affaire en restera là. Car on ne saura jamais ce que le juge Delâtre avait découvert. Car lorsqu'il reprendra ses fonctions de magistrat, on lui conseillera fermement d'observer un rigoureux silence. À samedi prochain.